Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Pierre Ducrozet et je vais vous raconter l'histoire des métamorphoses d'Adèle. Tout commence dans un sous-bois, dans lequel le vent se glisse. Adèle marche sur le chemin. Elle a 7 ans et elle est partie faire un tour dans cette forêt à côté de chez elle, dans les Pyrénées, avec ses parents et son frère. Adèle aperçoit un petit sentier qui plonge sur le côté, en plein cœur de la forêt. Les arbres sont plus hauts là-dedans, un grand silence règne. Elle avance. Hé ! Vous avez vu cet insecte là, sur la plante ? Pas de réponse. Elle se retourne. Personne. Oh, je les retrouverai bien, pense-t-elle. Et elle poursuit son chemin. La forêt devient plus épaisse, l'odeur des pins plus forte. Elle sent que son cœur s'accélère. Elle est en train de se perdre, de s'aventurer seule. Et elle se sent étonnamment bien. Très bien même. Adèle se penche vers un champignon, une plante inconnue, une trace de pas. Et tout à coup, un craquement de branche. Elle s'arrête, s'accroupit, et là, elle voit la masse de poils marrons, les quatre larges pattes. Un ours est à quelques mètres d'elle. Adèle ne bouge plus. Son cœur lui remonte dans la glotte. C'est une oursonne. Comme Adèle, elle a dû s'égarer. Elle n'a rien à faire ici, toute seule. Adèle s'approche. L'oursonne est magnifique. Ses poils épais, son corps large. Son museau renifle dans la terre. Elle a l'air de chercher quelque chose. Et alors elle relève la tête et elle voit Adèle. L'oursonne et la fille se regardent. Adèle sent que sa peur lentement s'apaise. On lui a toujours répété que les ours sont dangereux, qu'ils peuvent vous tuer. Mais elle, ce qu'elle voit, c'est une boule de poils, imposante, c'est vrai, mais qui a l'air plutôt sympathique. Elle fait un pas en avant, l'oursonne aussi. Elles sont toutes proches à présent. Adèle avance une main, l'oursonne une patte. Elle se touche. Et alors quelque chose se produit. Adèle ferme les yeux un instant, elle reprend son souffle et lorsqu'elle les rouvre, tout a changé. Elle regarde autour d'elle, elle se sent lourde. Elle regarde sa main, c'est une patte. Elle est devenue une oursonne. Elle se met à crier et c'est un grognement d'ours qui fait trembler les arbres. Adèle a peur. Tout est si différent à l'intérieur d'elle. Elle sent son cœur qui cavale, son ventre est plus grand qu'un lac. Et elle est recouverte de poils. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Comment est-ce possible? Elle doit être en train de rêver. Elle voudrait se pincer, mais elle ne peut pas. Alors elle passe une griffe sur sa patte gauche. Et non, elle ne se réveille pas. Alors elle avance. Une patte, puis l'autre. Elle commence à s'habituer à être dans ce corps, et c'est pas si mal finalement. C'est douillet, agréable, c'est chaud. Elle se met à courir très vite. Elle se lève sur ses deux pattes arrière, elle lance de grands cris et se roule dans les feuilles. On peut faire plein de trucs marrants quand on est une oursonne. Tiens, maintenant, elle va essayer ce que font d'habitude les ours dans les documentaires à la télé. Griffer les arbres. Elle cherche un beau sapin et pose ses deux pattes sur le tronc. Elle sort ses griffes. C'est génial, elle sent qu'elle s'enfonce sous l'écorce. L'odeur du bois monte à ses narines. Elle ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, tout a changé. Elle n'est plus une oursonne. Elle est immense. Elle sent ses pieds se glisser dans la chaleur de la terre, ses bras se déployer dans l'air. Elle sent son corps qui s'allonge. Elle est devenue un sapin. Elle est immense à présent. C'est incroyable. Elle essaye de se calmer, de reprendre son souffle. Mais comment on respire quand on est un arbre? Elle n'a plus d'yeux, elle n'a plus de tête, elle n'a plus de torse. C'est vraiment bizarre, tout ce qui lui arrive. Mais c'est aussi amusant, finalement, de sentir toutes ses formes et toutes ses matières autour d'elle. Elle sent son écorce toute dure, ses immenses racines, de plus en plus fines, qui s'enfoncent dans la terre molle et chaude. Elle sent qu'elle s'élève, haut, dans les airs. Elle voit les autres sapins autour d'elle, elle les salue en bougeant une branche, elle monte encore, et elle est dans le ciel. Elle reste là-haut un moment. C'est incroyable d'être un arbre. Elle voit les nuages, les oiseaux qui flottent autour. Il y en a un, justement, qui descend vers elle. C'est une hirondelle. Elle reconnaît son plumage bleu et rouge, son bec noir. Elle vient se poser sur une de ses branches. L'hirondelle saute d'une branche à l'autre, pose son bec sur son tronc et se met à piquer. Et tout à coup, tout tremble partout. Après quelques secondes, Adèle ouvre les yeux. Oui, elle en a à nouveau. Elle tourne la tête. Elle est devenue l'hirondelle. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Elle regarde devant elle le sapin qu'elle était il y a une seconde encore. Elle sent son corps si petit maintenant, mais plus maniable aussi. Elle a froid. Ses quelques plumes ne la protègent plus autant que l'écorce d'avant. Oui, mais sous ses plumes repliées, elle a deux grandes choses merveilleuses. Des ailes. Elle les sort, elle les agite un peu comme ça pour voir. Elle s'envole de quelques centimètres avant de retomber sur la branche. Waouh ! Elle a un bec aussi. Mais comment s'en servir ? Tiens, elle va essayer de dire quelque chose. Un son aigu et magnifique comme du cristal blanc arrive à ses oreilles. Elle fait un clin d'œil au sapin et se prépare pour la grande aventure. Elle déploie ses ailes et s'envole. Elle qui avait toujours eu le vertige, elle ne sent plus rien. Elle est dans le ciel. C'est dingue. Elle sent l'air frais lui caresser le cou et les pattes. Elle croise de grands oiseaux qu'elle salue, des aigles, un vautour, mais aussi de plus petits, comme elle, des moineaux et des pivers. Elle plane avec ses deux ailes parallèles. Elle se laisse porter par les courants. C'est la grande vie. Elle vole haut, si haut qu'elle se fait prendre par des courants d'air glacés, alors elle redescend. C'est pas une altitude pour une hirondelle. Adèle en oublierait presque que ce matin encore, elle était une petite fille. Et ses parents alors? Ils doivent la chercher partout. Tiens, peut-être qu'elle pourrait les voir d'ici et leur faire un petit signe. Où suis-je d'ailleurs, se demande Adèle. Ah, là-bas, oui, ça doit être notre ville. Je reconnais la cathédrale. Tiens, et ça, c'est la maison. Adèle pique du nez et vient se poser sur le toit. Elle repose un peu ses ailes. C'est fatigant quand même de voler. Une demi-heure plus tard, sa mère et son frère apparaissent devant l'entrée. Adèle s'approche. Théo regarde l'hirondelle d'un air indifférent et continue son chemin vers la maison. La nuit arrive. Adèle est désespérée. Elle a adoré cette aventure, mais ça suffit maintenant. Elle ne veut pas être enfermée à jamais dans ce tout petit corps emplumé. Et elle a froid et elle a faim. Elle s'envole et va poser ses pattes sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Elle regarde son bureau, ses photos, son lit. Elle glisse son bec sous le cadre en bois de la fenêtre et pousse de toutes ses forces. rien ne bouge. Elle pousse à nouveau. Son bec se casse presque. Mais la fenêtre se lève. Elle entre à l'intérieur. C'est quand même un peu bizarre de marcher dans sa propre chambre à hauteur d'oiseau. Elle saute sur le lit, se glisse sous les draps. Ah, il fait chaud, tout est doux. Elle ferme les yeux. Et une hirondelle s'endort dans le lit d'Adèle. À l'aube, sa mère pousse la porte de la chambre et découvre Adèle emmêlée dans ses draps. « Ma chérie, mais où t'étais passée ?» Adèle ouvre un œil, regarde sa mère, sa couverture, puis ses mains, ses pieds. Elle est redevenue elle-même. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande sa mère. « Oh, rien de spécial, » dit Adèle. « Je me suis fait des nouveaux amis. » « Non, c'était pas mal. » « On fait des crêpes, là, parce que j'ai trop faim. » La mère regarde Adèle d'un drôle d'air. Ma fille est étrange, quand même. Une fois le grand petit déjeuner avalé, Adèle retourne dans sa chambre. Elle s'approche du miroir. Elle regarde son visage, ses dents, sa bouche. Elle se rapproche encore. Elle voit la peau, son petit nez, les plis, les creux. En fait, je suis un oiseau. Je suis une oursonne. Je suis un arbre, pense Adèle. Il faut simplement s'approcher un peu plus du miroir pour bien le voir. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Tu as aimé ce conte ? Eh bien, tu peux retrouver en librairie déjà 12 histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés.